Chapitre 3e, le Belvillois fait une trouvaille. Lorsqu'après une heureuse traversée, qu'un temps splendide l'avait favorisé, Ned, Lucienne, son père et le Belvillois se retrouvèrent sur le quai de bois, que l'Hudson baigne de ses eaux fangeuses, le mari de Lucienne, qui connaissait fort bien New York, fit porter provisoirement les malles à un hôtel où, assura-t-il, sans être aussi bien qu'à la villa, on aurait la tranquillité. Léon Goupy, lui, restait en contemplation. Sa figure futée de Parisien exprimait le plus vif étonnement. « Alors quoi ? » fit-il tout à coup. « C'est ça, l'Amérique ? Pas la peine de quitter le plancher des vaches pendant 8 jours. C'est la même chose qu'à Paris, en plus laid. Et puis, » ajouta-t-il en retroussant son pantalon, « c'est moins propre. »« Dame, tu sais, la boue de New York, » fit Olivier, « c'est un des désagréments de la ville. Que ce soit l'été ou l'hiver, qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, il paraît qu'il y en a toujours. N'est-ce pas, Monsieur Hattison ?» « Aussi, voyez, » répondit Ned, « tout le monde met des bottes de caoutchouc. On les quitte à la porte de chez soi, on les reprend en sortant. »« Épatant, c'est épatant, » conclut Léon. « Mais dites-moi donc, monsieur Ned, vous quêtes de par ici. C'est-il partout pareil à ça, l'Amérique ? En v'là une ville, il n'y a même pas de café. »« Des cafés ? Non, nous ne sommes plus à Paris, » répondit Ned, qui s'amusait beaucoup de la mine désappointée de Léon. « Mais il y a des bars, des brasseries. » Ce qui fait que tu ne les vois pas, c'est qu'ici, boire dehors à la terrasse, comme on le fait en France, serait considéré comme immoral et jugé sévèrement. Léon marchait de surprise en surprise. C'était visible. Ces grandes bâtisses sombres, ces avenues monotones que parcourait le cab qui emmenait tout le monde à l'hôtel, ne lui disaient rien de bon. Il eût sans doute continué ses réflexions indéfiniment si la voiture ne s'était arrêtée devant une maison dont le rez-de-chaussée, garni de glace, portait en lettres d'or l'inscription suivante. Maison Buisson, pension de famille, table d'hôte. On parle français. Voilà donc une maison française, s'écria Lucienne. Du moins le nom semble l'indiquer. Certainement, ma chérie. Je n'ai pas cru ton estomac assez solide pour supporter sans transition la nourriture yankee. Ici, on nous servira presque comme chez nous. La patronne est une brave femme. C'est la veuve d'un gros marchand de vin de Bercy, qui, venue à New York pour recueillir une succession, a tellement souffert du mal de mer pendant la traversée qu'elle n'a jamais pu se décider à reprendre le paquebot. Avec l'argent de son héritage, elle a fondé cette pension française. « Eh bien, » s'écria Léon, « elle n'a qu'à attendre que la locomotive sous-marine fonctionne. Elle pourra regagner Paris sans rien craindre pour son estomac. » Madame Buisson était en effet une brave femme. « Vous arrivez de Paris, » fit-elle en s'adressant à Lucienne. « Ce que vous avez dû souffrir, ma gentille dame. Moi, je suis restée couchée tout le temps du voyage. Aussi, je me suis bien juré de ne jamais remettre les pieds sur un paquebot. » On ne jugea pas à propos de lui faire part de la réflexion de Léon. Il fallait, jusqu'à ce que l'affaire fût conclue, observer la plus grande discrétion sur les intentions exactes des inventeurs. Sans être absolument ce qu'ils auraient désiré, l'appartement que Mme Buisson mit à la disposition des Goldberg était confortablement meublé. La brave dame ne recevait guère que des Français. Les Yankees n'éprouvaient en général aucun goût pour le service à la mode de France et la cuisine française. Bien que sa corpulence, Madame Buisson ressemblait à un sosie féminin de notre ami Tom Punch, sembla lui rendre difficile tout déplacement. La patronne avait voulu installer elle-même ses nouveaux pensionnaires, s'étant enquise de ses habitudes, de leurs préférences, avec une amabilité qui, au dire de Ned, n'était pas la qualité prédominante des hôteliers américains. Elle avait même tenu à fêter leur arrivée. Tout le monde, y compris Léon, avait trinqué cordialement avec un verre de vieux Frontignan. « Mon mari, le digne homme, que Dieu prenne pitié de son âme, de son vivant aimait le bon vin. C'est notre cave que j'ai fait venir ici, puisque pour rien au monde je ne veux retraverser l'Atlantique, et je vous garantis que vous chercheriez longtemps du Paris vin à New York. » On avait remercié Madame Buisson de son amabilité. Il se faisait tard. Chacun avait regagné sa chambre pour goûter un sommeil bien nécessaire après 8 jours de traversée. L'appartement se composait de 3 chambres à coucher, d'une salle à manger et d'une autre pièce qu'on pouvait transformer en bureau ou en cabinet de travail. Les prix étaient modiques, c'était suffisant pour le moment. Plus tard, si les affaires prenaient une tournure favorable, il serait toujours temps de louer un petit cottage à proximité du centre des affaires. En attendant, Léon coucherait à part dans une chambre isolée. En quelques heures, des tapissiers firent les quelques arrangements indispensables. Le surlendemain de l'arrivée, tout le monde était installé, les malles et les colis étaient déballés. « Maintenant, s'écria M. Goldberg, il ne reste plus qu'à nous mettre à l'œuvre. Voici ce que je vous propose, fit Ned. Je vais, dès demain, aller voir des banquiers, des capitalistes, et tâcher de les intéresser à nos projets. Pendant ce temps, avec M. Coronal, vous resterez ici à travailler. Est-ce votre avis ? Mais certainement, dirent les deux hommes, c'est entendu. » Ned Hutchison s'adressa tout d'abord à une des premières maisons de banque de New York, la maison Fraps, Goldschmidt & Company, qui, au centre de la ville, occupe tout un édifice de 12 étages. Ned connaissait cette banque pour y avoir, autrefois, touché des coupons pour le compte de son père. Dans le grand hall du rez-de-chaussée, une armée de commis pommadés, au cou enserré de majestueux faux cols, s'affairait derrière de larges comptoirs. Une foule disparate, autant que renfrognée, emplissait les bureaux, se pressait aux guichets, au-dessus desquels se balançait un écriteau « Beware of pickpockets, méfiez-vous des voleurs ». La recommandation n'était pas inutile. Les pickpockets américains sont en effet des gentlemen fort habiles et possèdent une sûreté de main fort dangereuse pour quiconque s'attarde à la lecture d'une affiche ou dans la contemplation d'un monument. En même temps qu'une dizaine d'autres personnes, Ned prend place dans l'ascenseur électrique qui dessert tous les étages de la banque, depuis le second où sont les écuries, jusqu'au 10e où se trouvent les bureaux du directeur. À chaque palier, les gens montent, descendent, sans cesser pour cela de lire leur journal ou de vérifier leur compte. Parvenu à destination, le jeune homme ouvre une porte. L'air compassé et indifférent d'un homme qui s'ennuie de toutes ses forces, un vieillard est assis dans un large fauteuil. Il remue constamment la tête, à la façon de ces pantins qu'on manœuvre avec une ficelle, et sous ses énormes sourcils, ses petits yeux roulent étrangement. C'est M. Jones Fraps, directeur de la banque Fraps Goldschmidt & Company. Ce petit homme sec, aux allures assez insignifiantes en apparence, brasse par an pour plus de 500 millions d'affaires. « Vous désirez ?» fit-il à Ned, du même ton qu'il eut pris pour dire « Je m'ennuie ». Sans s'émouvoir autrement de cet aimable accueil, Ned sort de sa poche les notes qu'il commence à lire à la mode Yankee, c'est-à-dire sans geste, sans inflexion de voix. À mesure que l'ingénieur s'avance dans sa lecture, son interlocuteur semble y prendre un grand intérêt et marque son approbation par des clignements d'yeux et des mouvements de tête. « Very well, very well » fait-il pendant que Ned remet ses papiers dans sa poche. « Intéressant, beaucoup d'argent à gagner. » Et cette perspective agréable à tout individu, surtout quand cet individu a la gloire d'être Yankee, fait rouler dans leurs orbites les petits yeux ronds de Mr. Fraps. « Vous êtes sûr de votre invention » interroge-t-il. De nouveau, Ned détaille les projets du subatlantique, accumule les preuves de réussite. « Very well, very well. En effet, très pratique, » fait le banquier. « Nous pourrons nous entendre. Venez me voir demain. » En redescendant avec l'ascenseur, Ned se sent tout joyeux. Pour lui, qui connaît ses compatriotes, c'est un véritable succès que cette entrevue. Pressé d'annoncer cette bonne nouvelle à ses amis, il saute dans un cab et se fait conduire à l'hôtel. « Je viens de voir le directeur de la banque Fraps et Goldschmidt, » s'écrie-t-il à peine assis devant la table où le repas l'attend. « Il trouve nos idées très intéressantes, très pratiques. Il m'a demandé des explications détaillées. Je dois le revoir demain, mais sans nul doute, il acceptera de nous commanditer. » Tous les cœurs sont à la joie. Le dîner s'achève gaiement. Lucienne est sortie le matin pour faire quelques emplettes. Elle raconte spirituellement sa promenade dans les magasins. Les occasions d'étonnement ne lui ont pas manqué. La politesse, en effet, n'est pas le fort du commerçant américain. On entre dans une boutique, on commande, on paye et l'on sort, le plus souvent sans rien dire autre chose que le nom de l'objet que l'on désire. Fille des inutiles formules de politesse, « Bonjour, monsieur. Que désirez-vous, monsieur ?» etc. Cela ne sert à rien et fait perdre le temps. À Paris, un commerçant qui conseillerait à ses employés d'agir de la même façon verrait bientôt disparaître sa clientèle. À New York, la grossièreté semble toute naturelle. Mais il faut nous habituer à l'idée qu'en toute chose, nous sommes retardataires. Et puis, expliquait Lucienne, vous savez que je parle l'anglais comme une parisienne, c'est-à-dire très mal. Sans doute n'ai-je pas su m'expliquer clairement, car ayant demandé un flacon d'eau de rose, je me suis vu apporter, devinez quoi, une paire de bottes. Tout le monde riait aux éclats. Ce n'est pas que ce ne soit pas nécessaire avec l'état marécageux des rues, continua-t-elle parmi la gaieté générale, mais enfin, je ne m'attendais pas à cela, et j'ai eu un instant de surprise. « Bien naturel, » fit Ned. « Mais as-tu fini par te faire comprendre ?»« Je commence à y renoncer, » lorsqu'est arrivé un grand diable d'employé parle le français aussi mal que je parle moins l'anglais. Enfin, à nous deux, nous sommes parvenus à nous entendre. » M. Goldberg souriait. Il était heureux, comme il ne l'avait été depuis bien des années. Il se sentait entouré de sympathie, d'affection. Le rêve qu'il caressait depuis si longtemps, la tâche à laquelle il avait consacré ses veilles, semblait être la veille de se réaliser. Une douce émotion s'emparait de lui. Une larme de joie mouillait ses paupières. Lorsqu'à l'heure dite, Ned se retrouva le lendemain dans le cabinet directorial de la banque Frapps Goldschmidt & Company, il n'eut pas la peine d'exposer de nouveau les plans de la locomotive sous-marine. Avant même qu'il eût ouvert la bouche, M. Frapps lui dit « J'ai réfléchi. Impossible. Quelles objections avez-vous à faire ?» s'était écrié le jeune homme. Du coup, la tête de pantin articulée de l'honorable M. Frapps s'était arrêtée de branler. « Je vous dis que c'est impossible, » avait-il ponctué en haussant d'un ton sa voix de fausset. « En fait, » se disait Ned en regagnant son cab, « il faut que je sois devenu bien français pour avoir insisté. Du moment qu'il me disait impossible, j'aurais dû me rappeler qu'ici, non, c'est non. » Le visage du jeune ingénieur exprimait une vive contrariété. Après avoir mis, la veille, l'espérance dans le cœur de ses amis, il allait falloir, aujourd'hui, leur faire part de cette mauvaise nouvelle. « Non, » se dit-il, « cela les chagrinerait trop. Auparavant, je vais m'adresser ailleurs. » Il donna au cocher l'adresse de la banque industrielle dont le chef était un ancien fondeur de canons enrichi pendant une des dernières guerres coloniales, et répondant au nom de John Fulton. Le directeur de la banque industrielle était un gros gentleman à favoris roux. Un faux col, dont la blancheur éclatante mettait en relief la coloration rose des joues, lui montait jusqu'aux oreilles. « Vous désirez ?» fit Fulton en braquant sur Ned des yeux à fleur de tête qui semblaient toujours menacés de choir de leurs orbites. « Ah, très bien, très bien. Vous venez pour des capitaux, » interrompit-il dès les premières paroles. « Subatlantique, locomotive sous-marine, impossible, impossible. » Et sans plus de cérémonie, l'honorable fondeur de canon répétait à nouveau venu l'inévitable phrase « Vous désirez ?» Ned se retira, navré de son insuccès. Il avait beau se sermonner lui-même, se dire que ces deux refus ne prouvaient rien, qu'il ne fallait pas désespérer. Il ne parvenait pas à se convaincre. Pourtant, courageusement, il continua ses démarches. Mais partout, se fait la même chose. Capitaux, subatlantique, impossible. Ce continuel refus, qui n'attendait même pas d'explication pour être formulé, irritait Ned en même temps qu'il l'attristait. Dans plus de 20 banques différentes, devant une collection de directeurs impassibles, il avait parlé, exhibé ses plans. Toujours la même phrase laconique, subatlantique, impossible. Il semblait à Ned, dont l'irritation croissait avec la fatigue, qu'une fatalité, une influence mauvaise, le poursuivait partout où il se présentait. Ce soir-là, on fut moins gai chez les Goldberg. Ned avait fait le récit détaillé de ses courses de la journée à travers les banques de New York, affectant toutefois de ne pas prendre les choses trop au sérieux, devant Arsène Goldberg qui l'écoutait attentivement, le front barré d'une ride profonde. Au bout d'une semaine de démarches et de refus, le jeune ingénieur qu'Olivier Cournal avait accompagné quelquefois fut bien obligé de s'avouer vaincu. Il avait visité toutes les banques, tous les industriels, tous les capitalistes susceptibles de commanditer le subatlantique. Nulle part il n'avait obtenu de réponse favorable. Quelques-uns, à sa première visite, avaient paru disposés à entamer les négociations. Mais toujours, lorsqu'ils se représentaient, Ned voyait s'anéantir son espoir. « Nous avons réfléchi. Impossible, » lui disait-on. Le jeune homme en eut pleuré de rage. Tant de parti pris dans ses refus l'exaspéraient. Malgré tous ses efforts pour rester calme, il se laissait aller à la colère. C'était à croire, disait-il à ses amis, qu'une volonté, une force que nous ne connaissons pas, nous ferme toutes les portes, s'acharne à nous réduire à l'impuissance. Cette influence hostile qu'il accusait sans la connaître, Ned Hattison n'était pas loin de soupçonner d'où elle venait. Avec sa grâce et sa douceur habituelle, Lucienne était la bonne fée de ce foyer qui, chaque jour, se faisait de plus en plus triste. Par mille moyens, elle s'ingéniait à combattre la tristesse de son mari, la mélancolie de son père et d'Olivier Cournal. Elle n'y réussissait pas toujours, mais ces trois hommes, dont elle était la conseillère, lui savaient gré de ses attentions amicales, de ses affectueuses gronderies. Léon Goupy, lui aussi, se montrait plein de dévouement. Du service d'Olivier Cournal, il était passé au service de toute la famille. Le brave garçon ne s'en plaignait pas, au contraire. Sous ses deux orgueilleurs et débraillés, c'était un cœur d'or que le Bellevillois. Seulement, disait-il pour expliquer son caractère un peu bizarre, c'est comme un cœur d'artichaut, faut le prendre à un retrousse-poil. Sans jamais se faire prier, pourvu que, comme il disait, on ne le prit pas de la mauvaise façon, il faisait les courses et se rendait utile dans la mesure que lui permettait son ignorance presque totale de l'anglais. Mais un gamin de Paris comme lui n'était pas embarrassé pour si peu. Soit en s'aidant d'un des petits manuels de conversation à l'usage des voyageurs, soit au moyen de mimiques expressives, il finissait toujours par se faire comprendre. Il était si comique, bredouillant un anglais hérissé de barbarisme, émaillé çà et là, lorsqu'il ne trouvait plus ses mots, d'expressions empruntées au faubourg parisien, que plus d'une fois, malgré leurs inquiétudes, ses maîtres étaient partis d'un franc éclat de rire en l'entendant. Un matin, Olivier Coronal, qui de son côté s'occupait aussi de trouver des capitaux, remit au Bellevillois plusieurs plis cachetés. « Tiens, Léon, tu vas aller me porter ces lettres à destination. Tu montreras les adresses au cocher, car tu vas prendre une voiture. Sans cela, jamais tu ne t'en tirerais. »« Oh !» fit le Bellevillois. « Il n'y a pas danger que je me perde. Le temps d'aller devenir et je suis là. »« Bah, et puissent ces lettres avoir un résultat pour nous. Mon pauvre ami, la situation n'est vraiment pas rassurante. L'avenir se fait sombre. » M. Goldberg, surtout, paraissait désolé. C'était lui qui avait eu l'idée de venir à New York. Devant l'indifférence et la sourde hostilité que partout on avait rencontrée, il ne se le pardonnait pas. Ned, quoique navré lui-même, avait beau lui dire que rien n'était perdu, il n'arrivait pas à le convaincre. S'être cru près du but qu'il poursuivait depuis tant d'années, à la veille d'entreprendre la construction de son train subatlantique, et constater que toutes les tentatives étaient infructueuses, que jusqu'à présent, pas un commanditaire n'y s'y était intéressé, pas un dollar n'avait été récolté. C'était, pour le vieux savant, un sujet de tristesse continuelle. Léon voyait bien cela. Ce Goldberg, le vieux comme il l'appelait avec son franc-parler, lui était sympathique. Le Bellevillois ne tarissait pas en invective contre ces boulotteurs de jambon. C'était sa manière à lui de nommer les Américains. « De la galette !» maugrait-il ce matin-là, en cherchant un cab. « Avec ça qu'ils en ont beaucoup, pas seulement pour faire balayer leur rue. Mes amis, quelle bouillabaisse !» Il avait plu toute la nuit. Un lac de boue emplissait les chaussées, montant presque à la hauteur des trottoirs. « Hé, toi, là-bas, regarde un peu si tu sais lire !» fait Léon en mettant sous le nez d'un cocher la première de ses adresses. « All right !» fait le conducteur impassible. Aussi grave que le plus grave des Yankees, le Bellevillois s'installe dans le cab, allume une cigarette et contemple avec un air narquois les piétons qui pataugent avec leurs bottes de caoutchouc dans une glu nauséabonde. « Tiens !» s'écrie tout à coup Léon qui vient d'apercevoir à côté de lui, sur la banquette, un large portefeuille de cuir. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » fait-il après l'avoir ouvert. « Que de paperasse ! Ça ressemble à l'action du crédit foncier que maman avait dans le temps, à moins que ce ne soit des billets de loterie. » Ces billets de loterie étaient tout simplement des chèques et des billets de banque. « Ben, mon vieux !» s'écria Léon Goupy. « C'est tout de même pas malin de laisser prendre l'air à tes picaillons. Qu'est-ce que je vois là ? Un nom français ? Jean-Baptiste Michon ? Que le diable m'emporte si ça ressemble à quelque chose d'américain ? Pour sûr, c'est un compatriote, un français. » Et le Bellevillois, qui n'en croyait pas ses yeux, détacha la carte de visite fixée dans l'intérieur du portefeuille et relut « Jean-Baptiste Michon, banqueur. » 30e avenue, 275, New York. Le premier mouvement de Léon avait été de donner cette adresse au cocher pour y reporter sa trouvaille. « Tout de même, non, » dit-il. « Les affaires de mon maître avança. » Justement, le cocher l'arrêtait devant une maison de banque. Il sauta de voiture, y déposa sa lettre et continua ses courses, ayant donné une nouvelle adresse à son automédon. Mais il avait hâte d'avoir fini. Ce portefeuille trouvé brûlait les doigts de l'honnête garçon. 2 heures après, ayant terminé toutes ses courses, il se trouva devant le numéro 275 de la 30e avenue, une des plus belles de New York. Une grande boutique occupait le rez-de-chaussée. Sur les glaces en teint de la devanture, l'inscription « Jean-Baptiste Michon, banqueur » se détachait en lettres d'or. « Bon, » se dit Léon, « c'est là, pas besoin de chercher plus loin. » Et serrant le portefeuille dans sa poche, il pénétra dans la banque. C'était l'appareil ordinaire des comptoirs d'étain, derrière lesquels les commis pommadés répondaient aux nombreux clients qui se pressaient au guichet. Çà et là, le long des murs, quelques affiches, en français et en anglais. « Monsieur Michon ?» demanda le Bellevillois, dès qu'il put aborder un huissier. « Au fond du hall, à droite, » lui répondit l'employé, après l'avoir dévisagé. Mais pour pénétrer dans le cabinet directorial, Léon dut parlementer. Un grand diable d'huissier lui barrait la porte. Comme argument décisif, il montra le portefeuille. « Bigre !» pensait-il en pénétrant enfin. « Ce que c'est Rupin ici ?» Des huissiers à chaîne d'argent, rien que ça. En croyant reconnaître un compatriote, Léon ne s'était pas trompé. Monsieur Michon était un fils de la Normandie, un gars normand comme il disait lui-même. Ses parents, des pêcheurs de Granville, avaient voulu en faire un pêcheur comme eux. À 12 ans, il passait déjà des journées au large et savait carguer une voile aussi bien qu'un vieux loup de mer. Puis un jour, il s'était embarqué comme novice sur un voilier et pendant plusieurs années, il avait promené son humeur vagabonde dans toutes les parties du globe. Le hasard d'une rencontre l'avait fixé à New York, il y avait quelque 20 ans de cela. À 30 ans seulement, il avait appris à lire. En quelques années, il s'était fait une situation comme commissionnaire en marchandises. La fortune était venue à lui, il avait fondé sa maison de banque. C'était maintenant un homme d'une 50aine d'années, bien bâti, d'allure franche et dégagée, toujours souriant et affable. Contrairement à la plupart des Américains, il portait une grande barbe rousse encadrant un visage aux lèvres un peu narquoises, au nez fortement accusé, mais dont les yeux vifs et pétillants corrigeaient l'expression sévère et l'indifférence professionnelle acquise au contact des Yankees. Quoiqu'à la tête d'une fortune qui, sans égaler celle de William Bolton, l'empereur des dollars, ni de Pullman, le roi des chemins de fer, était cependant colossale, il n'avait rien perdu de ses habitudes d'autrefois ni de sa bonhomie normande. Loin de rougir de ses modestes débuts, il en parlait souvent. Accueillant pour les malheureux, il consacrait une bonne partie de sa fortune à des œuvres philanthropiques. Granville, son pays d'origine, pour lequel il avait conservé une affection inébranlable, lui devait un hôpital et une maison de retraite. C'était véritablement un brave cœur que Jean-Baptiste Michon, une intelligence ouverte et sympathique, chez qui l'expérience de la vie compensait amplement les lacunes de l'instruction. Lorsque le Bellevillois pénétra dans son cabinet, M. Michon, les jambes allongées sous son bureau, dépouillait son courrier tout en fumant une courte pipe, habitude qu'il avait gardée de son ancien métier de marin. « Pristi !» fit Léon intérieurement. « Un particulier qui a une barbe comme ça, c'est sûrement pas un Américain. » Cette constatation lui fit plaisir, et sortant de sa poche le portefeuille bourré de valeurs, il le posa devant le banquier qui contemplait curieusement son visiteur. « Voilà, » fit-il en désignant sa trouvaille. « C'est sans doute vous qui avez perdu ça dans un cab. En tout cas, il y a votre adresse dedans. Je vous le rapporte. »« En effet, c'est bien à moi. » s'écria M. Michon en français. « Je l'ai perdu sans m'en apercevoir. »« Mais dites-moi, mon jeune ami, » fit-il avec intérêt. « Vous n'êtes pas américain. »« C'est idée, pour sûr que non, » s'écria Léon. « Je suis de Paris, monsieur, citoyen de Belleville, pour vous servir. »« Ah, vous êtes parisien. » fit le banquier. « J'aurais dû m'en douter. Une pareille honnêteté ne se voit pas souvent ici. »« Oh, de l'honnêteté !» protesta le Bellevillois. « Si ça avait été des louis ou des billets de banque, je dis pas que j'aurais pas eu la tentation. Mais des paperasses comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Du coup, devant cette franchise et l'inimitable accent de cette voix gouailleuse, M. Michon ne put retenir un large éclat de rire. Ce petit bonhomme l'intéressait de plus en plus. « Comment des paperasses ?» fit-il avec sa bonhomie souriante. « Eh bien, tu ne t'embêtes pas, mon garçon. Sais-tu qu'il y en a pour 300 000 francs ?» Il guettait sur le visage de Léon une marque de désappointement. Mais celui-ci haussa les épaules d'un air dégagé. « Eh bien, c'est tant mieux pour vous que je les ai trouvés. Là-dessus, ajouta-t-il, je me sauve. » Et singeant une raideur américaine, il étendait le bras pour un shake-hand. « Voyons, vous êtes donc bien pressé ?» s'écria le banquier en le forçant à se rasseoir. « Sapristi ! Vous n'êtes pas pratique pour un sou, mon garçon. Vous me rapportez 300 000 francs et vous voulez partir comme ça sans même me dire qui vous êtes. Je ne l'entends pas ainsi. Qui je suis ? Fit le Bellevillois. Voilà, Léon Goupy. On m'appelle encore le Bellevillois, si ça peut vous faire plaisir. Ma mère est marchande de 4 saisons dans le faubourg du Temple. C'est une brave femme. Allez ! À preuve que quand je suis parti, elle pleurait à fond dans le cœur. M. Michon l'avait écouté. Tu m'as l'air d'un garçon intelligent. Fit-il, après que Léon eut déclaré son état civil. « Tes manières me plaisent. Si tu veux entrer à mon service, il ne tient qu'à toi. » et comme Léon, étonné, faisait mine de protester. « Mais non, un petit bonhomme, c'est bien le moins que je puisse t'offrir, on n'a pas idée d'un pareil gamin. »« mais non, expliqua le Bellevillois, je peux pas faire ça. Ça fait des années que je suis au service de mon maître, justement qui se trouve embêté. C'est pas le moment de le lâcher. Alors quoi, on n'est pas des Américains ?»« Tu ne disais rien aussi, » fit le banquier. « Et comment s'appelle-t-il ton maître ?»« Mon maître à moi, c'est Monsieur Olivier. »« Stiné, Monsieur Olivier. »« Ah, c'est vrai, vous ne savez pas. Monsieur Olivier Coronal. »« Un bon garçon. Allez, et pas fier. »« Olivier Coronal, » fit Monsieur Michon. « Mais c'est un inventeur. » »« C'est bien celui dont on a tant parlé à propos de la torpille terrestre. » « C'est idée, » approuva Léon. « Et puis il n'est pas le seul. Il y a aussi M. Goldberg. »« Allons bon, » s'interrompit-il. « V'là que j'accasse comme une piborgne au lieu de rentrer, surtout qu'on m'attend. »« M. Goldberg, » se répétait le banquier à lui-même, « il me semble que je connais ce nom-là. » Et comme Léon cette fois lui tendait de nouveau la main, « Non pas, » fit-il, « tu es un trop bon garçon pour que je te laisse partir ainsi. Je m'intéresse à toi. Si tu veux me mener chez ton maître, tu ne t'en repentiras pas. » « Oh, c'est comme vous voulez. Il y a mon cab qui m'attend, parce que je viens de faire un tas de courses par rapport à des affaires. Enfin, je me comprends. »« Diable de petit bonhomme, » fit le banquier qui bourrait sa pipe en le regardant du coin de l'œil. « Veux-tu un cigare ?»« Par ces temps gris, ça réchauffe le bout du nez. »« Non, merci. Moi, je ne fume que la cigarette. »« À ta guise, en voilà un paquet. » En compagnie du banquier, Léon retraversa le grand hall de la banque, où la foule grossissait de minute en minute. Tous deux prirent place dans le cab. Le Bellevillois ne se doutait pas des conséquences qu'allait avoir pour ses maîtres la visite de M. Michon.